pour personne pas qui t'aime. Entrer dans la vie, moi, ou tromper. Pour jouer avec personnalité. En pile, fois, moi, qu'on crie. Non, non, j'ai, moi, pas couler. Mais ça va jamais m'empêcher. J'aime toujours être cagoulé. Si mamie, papi, ou pas besoin. Pas couler.